S'il y a quelque chose qui est-ce que ça a été créé ou fait tout en même temps, ou est-ce que ça se reproduit à mesure que le temps passe? Quelque chose qui est, de par définition, est quelque chose qui est. Quelque chose qui n'a jamais été et qui ne sera pas. Donc, quelque chose qui est en dehors du temps et qui peut être dit fait, quelque chose qui est, uniquement par un être humain qui est construit avec de la mémoire, qui a la capacité de maintenir la vision de la chose pendant le temps où il va dire fait. Est-ce que ça a été créé? Non. Tout ce qui est n'a pas été créé. La création fait partie d'une... Qu'est-ce que c'est la création? À l'instant où nous perdons l'illusion, à l'instant où nous perdons la vision de la réalité pour avoir une vision de l'illusion, commence la création. Nous y voyons donc un début. Il y a eu un début de la chute de l'homme. Pas une vraie chute, mais prenons l'exemple encore du mot chute. Il y a eu un début de la fusion. Et c'est ce que nous considérons comme étant la création, le début de la création. Et à partir de ce moment donné-là, nous avons l'évolution de la conscience. Premièrement, une évolution de l'archaïsation de la conscience, qu'on appelle une involution. Plus ça évolue, cette archaïque conscience, plus l'humain a des visualisations totalement dehors de la réalité, et l'humain appelle cela l'évolution de sa conscience. À un moment donné, rendu au fin fond de cette évolution archaïque de la conscience, il commence un retour. Dans ce retour, il doit maintenant abandonner ce qu'il avait eu dans son évolution. Dans ce retour, il doit maintenant abandonner le passé. Il doit abandonner les trames, les archétypes, les vieilles choses, pour revenir vers une simplicité d'évolution, vers une conscience qu'il lui va appeler neuve. Pourquoi on appelle cela une conscience neuve? C'est parce que dans notre mémoire, elle n'y est pas inclue. Ce n'est pas une conscience neuve. Ça a toujours été une conscience, elle est là. Mais on parle d'ego, évidemment, c'est l'ego qui communique l'évolution. Donc on parle d'une conscience neuve en ce sens qu'elle n'est pas dans la mémoire de l'ego. Quand on dit ce qui est, quand un être humain sera capable de dire « je suis », il entendra par là qu'il est éternel, qu'il est toutes les divinités réunies, qu'il est le cosmos, qu'il est la totalité, qu'il est supra-expérientiel, qu'il est super-existentiel, qu'il est créationnel, qu'il est intentionnel, qu'il contrôle et peut manipuler les mémoires, qu'il est désasceptif du phénomène archangélique, qu'il est totalement désasceptif de la manipulation des forces astrales. Cela implique qu'il est le gestionnaire de son faisceau réparti à travers les humains. Quand un être humain a la capacité de dire « je suis », pas d'un égo humain, d'un animal humain, il se suit en colère. Bon. Alors, quand un être humain, une chose qui est, c'est quelque chose qui fait partie de l'instantané. Est-ce que le Nazaréen était, en manière résolue? Non, le Nazaréen n'était pas. Il est? Alors, plus d'autre. Il est? Il est. Comment il fait, M. Kim, pour savoir que l'oiseau ne sait pas s'il sait faire son lit, etc.? Tu demandes à l'oiseau. Non, mais la question est facile. Comment savez-vous que je ne le sais pas? Hein? Il demandait à l'oiseau. Eh bien, d'accord. Tu approches d'un oiseau, tu fais... Puis l'oiseau, il répond quoi? Il ne sait même pas qu'il est là. Je ne jamais discuter avec un oiseau encore. Les guides, c'est quoi si on n'est rien? Tout est rien. Alors, on revient avec une chose. Les égaux sont des égaux. Pour certains, c'est bon. Pour d'autres, c'est bon. Ou des les guides, c'est quoi si on est rien? Alors, prenons la théorie conventionnelle sur cette planète qui prétend que l'homme est quelque chose. L'homme est quelque chose, et quand je demande à un homme, qui es-tu? Ou quoi es-tu? Ses réponses sont des réponses comme, je suis Pierre. Je suis Pierre Machin, et je travaille à telle place, et j'habite quelque chose. Quand je dis à l'humain, est-ce que cette montagne? L'humain répond, ah, c'est à mon père. La montagne est là depuis 35 millions d'années, elle est à son père, et lui, il est là depuis 20 ans. C'est l'humain. Quand je pose la question à l'humain, qui es-tu cosmiquement? Certains me disent, je suis une créature de Dieu. La petite diamante est en cours. Et là, on amène un paquet de réponses qui entretiennent des guerres sur cette planète. Et quand je dis à l'humain, oui, mais un jour, tu vas mourir. Alors, qui es-tu? Et lui-même me dit, ben, je suis immortel, je suis éternel, je me réincarne. Il y a l'évolution, il y a l'éthique, il y a le Kali Yuga, il y a le Krita Yuga, il y a... Et moi, je fais toujours réfléchir ma question. Chaque fois que je te demande qui tu es, tu m'expliques sans faux. Et quand je dis à lui-même qu'il n'est rien, les grands philosophes disent, ah ben c'est sûr que nous ne sommes rien dans le rien, il y a le tout. Bon. C'est vrai, vous êtes tout. C'est vrai, ça. Et quand je dis qu'on n'est rien, ce que je veux dire, c'est que tout ce que l'humain pense qu'il est, ce n'est pas ça. Tout ce que vous pensez que vous êtes, ce n'est pas ça. Donc, ce ça, c'est rien. Je suis la créature du bon Dieu. Ben, celui qui est dans la conscience de Krishna. Ah, lui, il adore un mauvais Dieu. C'est ce qu'il dit. N'est-ce pas? Tout ce que l'humain pense qu'il est, je suis de la chair, je suis un être faible, je suis un descendant d'Adam ou de Ève, les deux connards qui ont bouffé une pomme alors qu'on leur donnait gratuitement. Je suis. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vous! Moi, je peux parler des heures et des heures et des heures sur ce qu'est l'homme. Alors qu'habituellement, à l'homme, tu ne peux pas en parler plus de 5 minutes en citer tout ce que les autres ont dit avant. Il sait la tradition, il sait le passé. Qui es-tu? Je suis ce passé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes de réincarnation, vous êtes des ancêtres. Puis à part de quoi, l'humain va où? Ben, l'humain, il meurt, il va au ciel. Il veut la harpe toute sa vie, toute l'éternité. Avec une harpe. Dans le ciel, il paraît qu'il n'y a même pas d'accordeur de harpe. Ça, c'est clair. Si on n'existe pas, comment peut-on mourir? Mais on ne meurt pas non plus. L'humain est capable de considérer que lorsqu'une chenille devient un papillon, elle n'était pas morte. Mais l'humain ne peut pas considérer, absolument pas considérer que lorsque lui devient quelque chose d'autre, il n'est pas mort. La chenille se rappelle-t-elle les belles journées ensoleillées où elle se vautrait sur une feuille? Avec l'espoir de ne pas se faire amorcer par un oiseau. Non! La chenille se rappelle de rien du tout. Elle vole avec des ailes. Elle ne peut pas considérer qu'elle a déjà été une aventure à part avec du poil peut-être dessus. Elle ne fallait pas écraser parce que ça faisait te voir. Jamais. Le papillon ne peut pas considérer ça. Il ne ressemble même pas. L'humain, si on n'existe pas, comment peut-on mourir? Mais on ne meurt pas. Tout à l'heure, j'expliquais que c'est assez pénible pour une conscience temporelle de comprendre une mécanique temporelle. Vous avez déjà souffert lorsque vous étiez plus jeune, disons hier, ou avant hier. Prouvez-moi que vous avez souffert. Prouvez-moi-le. Prouvez-vous-le. Ah, tiens, je m'en rappelle. OK. Venez me voir après la conférence, je vais vous hypnotiser. Je vais vous mettre des choses. Je vais vous réveiller. Et je vais vous dire, as-tu déjà un phare? J'ai dit, ben oui! Trouve-moi-le! Ben, tu m'en rappelle! Ben oui. C'est moi qui vais vous l'avoir dit dans votre mémoire. Est-ce que votre mémoire est une preuve de réalité? Non. Non. L'humain oublie, l'humain se mélange toujours. 20 personnes voient un événement. Deux jours après les interviews, 20 événements différents. Et ils sont tous convaincus qu'ils ont dit la vérité, et c'est les autres qui ont mal vu, qui ont menti. La mémoire, c'est pas une preuve d'existence. Quand je dis que l'humain n'existe pas, ce que je veux dire, c'est que tout ce que l'humain croit qu'il a existé, ou qu'il va exister, ou qu'il est présentement, c'est encore une illusion, c'est faux. Ça va se douer, mais crème, je mange avec point de visage, je mange avec point de visage. Si c'est à ça que se limite ta conscience d'existentialité, à un front qui va pas point bizarre, ce que je te dis, c'est que tu n'existes pas. L'humain doit de plus en plus considérer son évolution sur 500 ans, pas sur 50 ans. Une enfant jouait à tout éliminer, terre, ciel, même elle. Eh bien, même sans elle, pour penser, la pensée était là, reposant sur rien, comme un souffle arrêté. L'âme peut quitter le corps, être bien. Mais, même si l'âme vit les abominations, la merde psychique et les gammes astralo-mentales, il y a une pensée qui n'a jamais bougé ou voyagé, qui garde et aime le corps. Peut-il que ce soit une conscience de l'ego, qu'est-ce que c'est? Bon, cette conscience, une conscience qui est vitale, c'est une conscience qu'on appelle l'instinct, qui, maturée par de l'astral, devient la conscience mentale. Cette conscience instinctive, mentale, à un moment donné, est la conscience qui habite le périsprit de l'âme. C'est une conscience périsprétique, constituée à même les énergies intra-atomiques qui constituent les molécules du corps physique. Pourquoi ça reste dans le corps? Qu'est-ce qui pense et n'existe pas et n'est pas l'âme comme une couleur ambrée indépendante qui aime sans mouvement? Qui n'est pas l'âme, qui n'est pas l'observateur. L'âme peut exprimer plusieurs choses. Premièrement, ça peut être simplement de l'énergie vitale qui circule. Ça peut aussi être un contact avec le plan morontiel par l'intervention de pensée qui n'est pas suffisamment déployée. Et c'est habituellement des perceptions du monde de la mort dans une région hautement évoluée, donc dans ce qu'on appelle les hautes sphères spirituelles, où il y a de l'énergie à peu près totalement animative, il n'y a pas d'émotion là-dedans, tout proche du périsprit de l'âme planétaire, donc du ciel, et c'est presque mental. Qu'est-ce qui ne souffre pas et est hypersensible? Le corps vital, uniquement le corps vital, ça ne souffre pas, c'est la l'astral qui souffre à l'intérieur, et le corps vital, c'est toute la sensibilité de l'humain. Y a-t-il beaucoup de personnes qui ont atteint la conscience supramentale? Bon, ça dépend du degré de conscience supramentale. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont atteint d'une façon intéressante la conscience supramentale? Actuellement, il y en a deux. Ensuite, il y en a huit. Ensuite, il y en a une soixantaine. Et ensuite, il y en a quelques milliers. Donc, il y a quelques milliers qui ont un contact supramental, qui ont une conscience supramentale. Il y en a un peu moins qui ont une conscience plus évoluée, qui commencent à égoïser leur ego. Il y en a encore moins qui ont suffisamment de conscience supramentale pour savoir qu'ils sont dans la conscience supramentale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, ils ont dépassé la phase de l'intellect supramental. Et il y en a deux qui sont capables de se servir d'une façon totalement courante de l'énergie supramentale, qui sont en contact 24 heures sur 24 et qui sont en figure de faire de l'hypnose. Je bois, je fume, je suis très actif, je veux me conscientiser, comment, je m'aime et j'aime la vie. Alors, il n'y a pas de problème. Si vous vous aimez et si vous aimez la vie, cela est une preuve que vous vous contentez de pas grand-chose. Alors, ça peut être donc extrêmement facile maintenant de découvrir quelque chose de mieux, de l'aimer sans problème, même que des étapes. Je bois, je fume, je suis très actif. Bon, la boisson et la fumée, ça n'empêche pas d'évoluer. C'est comme la grossesse, la grosseur, la maladie, ça n'empêche pas d'évoluer. Le corps fait vite, puis ça. Ça a fait souffrir l'âme. Ça occupe l'âme. Bon, parfait. Je veux me conscientiser comment? Je m'aime et j'aime la vie. Le fait de s'aimer, c'est toujours un peu un problème. C'est que l'ego aime ce qu'il projette de lui-même. Quand je dis que vous vous contentez de peu, c'est comme celui qui dit comme il faut de l'amour sur la planète. Quoi? Quand on est habitué à manger des aliments totalement décrépits, passés d'âge, plein de verre dedans, on peut effectivement se contenter de l'amour de l'humain. Si on arrive à se contenter de l'amour, on devrait être facilement capable de se contenter de tout ce qui est au-delà de l'amour. Et l'amour, c'est la copie la plus déformée d'une interaction entre des consciences évolutives. Bon, si on est capable de se contenter de ça, parce que l'amour un petit peu plus déformé, c'est la haine, c'est la même chose. De même, correct, c'est évident que pour faire un bout conscientisant, vous allez passer par des périodes de process. Vous allez vous aimer, vous allez vous aimer un peu moins, vous allez vous aimer, vous allez vous aimer un peu moins. Vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez découvrir les pièges de votre ego, vous allez découvrir les farces de votre ego. Et à un moment donné, vous allez avoir un système d'énergie mentale pour comprendre l'utilité de votre ego. En ce qui concerne la vie, on aime la vie. Tant que la vie nous aime. Celui qui un jour attrape les stocks, aime un peu moins, puis aime un peu moins la vie. Alors, c'est sûr que ça que tu vas bien savoir. La problématique, c'est que quand ça va mal, et présentement, ça ne va pas assez mal encore pour que vous vous posiez des questions, tant mieux. Dans la conscientisation, il y aura une purge. Il y aura beaucoup de choses qui nuisent à lui-même mais qui apparemment semblent le soutenir. Celui qui a des liquides, celui qui a une chaise roulante, celui qui a un immense système d'alarme dans sa maison et beaucoup de serrures, se dit, avec ce système d'alarme, mes trois chiens, mes deux gardiens, mes serrures, je me sens sécurisé. Tout ce système m'aide. J'aime ma maison, j'aime ma sécurité. Merveilleux! La journée que tes trois chiens vont mourir, tes gardiens vont s'en aller, tu vas avoir une panne de courant, regardez-vous la face. Totalement insécure. Qui a le compte hydro, qui a le compte lycée qui n'y passe plus longtemps, qui a le compte des gardiens qui sont partis, la vie est laide. Alors, le fait d'aimer la vie, c'est intéressant. Une personne peut dire, oui, mais moi, je l'aimerais même. Parlez pas trop au cas que quelqu'un déciderait de se suicider. Comment se conscientiser? Ça, c'est vrai. Oui, il y en a qui, ouais, effectivement. C'est trop rapproché. Ça ne se tourne pas de quelqu'un. Je le sais. Est-ce logique de penser que toutes les réactions qui font réagir mon ego est seulement un genre de petite initiation afin de me tester? C'est logique, oui. C'est en plus réel. Ce que vous devez faire maintenant, c'est savoir qui est le me testé. Est-ce qu'on veut vérifier votre ego? Est-ce qu'on veut vérifier votre mental? Est-ce qu'on veut vérifier votre capacité de mentaliser votre ego? Est-ce qu'on veut simplement vous faire évoluer? Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut comprendre, et je l'explique souvent, on va dire souvent en séminaire, que qu'est-ce qui est important dans l'évolution, c'est le corps physique. Et c'est pourquoi l'être humain est si malheureux, et si heureux, et si malheureux, et si heureux. C'est que l'être humain fonctionne par sécrétion endocrinienne, donc plus on sécrète d'hormones, plus le corps physique est abîmé, il y a cellularisation de l'expérience, donc de l'évolution, et à travers la cellularisation, le corps physique devient de plus en plus solide, résistant de plus en plus aux doses massives d'émotions, bonnes ou mauvaises, donc aux sécrétions endocriniennes, et il résiste donc de plus en plus à l'expression de la vie, et finalement, il est de plus en plus solide. Alors, il y a énormément d'expériences de la vie qui sont là pour l'ego. Qu'est-ce qu'un corps physique sans âme? Rien. Qu'est-ce qu'un âme sans mental? Un animal humain. Qu'est-ce qu'un mental sans contact supramental? Un animal humain. Évoluez. L'âme est là pour vous promener. Comprenez ceci. Tant que vous n'aurez pas de raison intelligente de vous améliorer, c'est par l'âme que vous allez vous améliorer. L'âme, ça n'évolue pas, ça apprend. Quand on a une raison intelligente de s'améliorer, lentement, les mécaniques archangéliques, les mécaniques archétypées, archaïques de l'évolution de l'animal humain, l'initiation lunaire, va lentement s'estomper, ça va vous abandonner. C'est sûr que l'humain a des rechutes pendant un bout de temps. L'initiation solaire, c'est une initiation supramentale. Il sait pourquoi il veut s'améliorer. Il ne sait pas toujours où ça va le mener. Mais il considère comme étant logique, conséquentiel, écologique, intelligent, ce qu'il fait. À un moment donné, il redescend en bas. Là, ça coupe au cul qu'on va faire évoluer. Souffrance, peur, angoisse, et jalousie. C'est le service de l'évolution. Inconfort, incompréhension, intellectualité, c'est des raisons pour évoluer. Quand on n'a pas la conscience, ce qu'on fait. Et vous, de ceux qui voyez une raison intelligente, que vous améliorez. Et il y en a une majeure qui est d'applicable par n'importe quel mental, c'est que c'est pas en étant mieux que je risque de moins voir. Si je sais pas où je vais, je vais quand même monter la montagne. Peut-être que rendu en haut, je vais me rendre compte que je me suis fait avoir. Mais en restant en bas dans le marécage, je me fais de toute façon faire voir. En améliorant ma santé, en améliorant ma condition psychologique, en améliorant ma condition mentale, ma capacité de légiférer les événements, d'intelligence et les choses, ma capacité de douter et de refuser le Dieu, et ma capacité de douter de Dieu. Douter, c'est pas rejeter. Douter, c'est ne plus accepter. Et à travers cela, lentement, je pourrais bâtir des concepts, des théories, comme la théorie de Dieu, de l'Antiquité, comme la théorie de la réincarnation de l'Antiquité, comme la théorie de l'évolution, du salut. Je pourrais bâtir des théories qui contiendront des choses réelles, qui contiendront une coloration de la réalité des choses véridiques, et qui contiendront aussi une coloration de la vérité des choses qui sont mensonges. Et au fur et à mesure de mon exploration de ma conscientisation, je vais toujours ajouter des choses en fonction de ma logique. Mais cela veut dire que je cesse immédiatement de croire. Je ne crois pas à la réincarnation. Je sais que c'est un concept. Savoir ce que c'est qu'un concept est salutaire et après son mari. Un concept, c'est une agglomération d'idées selon une suite plus ou moins logique qui présentement répond à une attente de notre ego. Ça peut être en plein sens. Tant que je n'ai pas la conscience fondamentale pour savoir les choses, je devrais me contenter de connaître les choses. Et dans la connaissance, il y a toujours la coloration de celui qui a élaboré la connaissance. Et ce n'est pas parce qu'elle date de 2 millions d'années ou de 2000 ans que ma connaissance est une réalité, une vérité. Une vérité, c'est une coloration de réalité. C'est une humanisation de réalité. Il y a souvent une spiritualisation ou une égalisation, une terrestrification de la réalité. À travers nos yeux, à travers nos oreilles, à travers les tentillons de mémoire réincarnés chez nous. Alors, lorsque l'être humain se conscientise, il vient un temps où il devient lui. On parlait tout à l'heure de conscience fondamentale à l'intérieur de soi. Lentement, nous allons avoir accès à une information qui ne provient pas de nos ancêtres, à une information qui ne provient pas du passé, à une information qui ne provient donc pas de l'expérience planétaire, à une information qui ne provient pas de la Terre, à une information qui est donc extraterrestre, pas à un extraterrestre en chair et en os. Marcel n'a pas discuté, il n'a pas discuté des autres, mais à une information neuve. Et ce n'est pas en ayant accès de l'information neuve qu'on risque le plus de se casser la gueule. C'est bien plus en se fiant à l'information du passé. Oui, mais c'est écrit dans la Bible, oui, mais c'est écrit dans le Coran, oui, mais c'est écrit dans le Talmud, oui, mais c'est écrit dans la Bhagavad Gita. Combien d'humains se sont servis de ces livres? Ils se sont tous cassés la gueule. C'est parce qu'ils ont mal interprété. Ils ont tous dit ça. C'est parce qu'ils n'ont pas tout appliqué. Est-ce applicable? Il y en a qui l'appliquent. Quand sa gueule s'arrête. Quand ils partent, ils ne partent toujours pas plus où ils vont. Et aux questions neuves, ils ont toujours les vieilles réponses. Alors, à un moment donné, on doit passer à autre chose. Est-ce que c'est logique de penser que toutes les réactions font réagir un ego? Oui, mais il y a la solidarité, il y a l'évolution, il y a un moment donné, l'être humain passe à une initiation qui va être solunaire. Une initiation solaire, c'est rapide et sans souffrance? Non, une initiation solaire, c'est rapide avec de la souffrance, okay. Tant qu'il y a l'ego, parce que c'est toujours le cas. Le corps, l'astral, le vital et l'ego. Le cas, il est pour souffrir. Et si dans un laps de temps relativement court, tu as énormément d'expériences bonnes et mauvaises, condensé, parce que c'est solaire et inerte. Ta vie, c'est une salle de cinéma où tu regardes un film d'horreur qui te fait expresser dans tes culottes, qui te fait illuminer par en avant ou par en arrière, qui te fait transpirer, qui te fait baver, qui fait que tu as toutes les ongles rentrées dans tes mains, qui fait qu'on est 20 ans collés les uns sur les autres. Et puis là, lentement, il y a une porte qui s'ouvre, et puis tu sortis. Et là, toi, t'es là, tu veux t'en aller. Et ton petit ego, là, la tête va sortir en vernis, hein. Puis à un moment donné, là, t'es là, puis tu as encore la tête en dedans, tu vas encore voir, puis là, tu la dernière bouffée que le vent va prendre dans le main, là. Tu es presque sorti, puis tu es encore en train de voir. C'est ça, l'initiation solinaire. Qu'est-ce que l'initiation de conscientisation, qu'elle solinaire, qu'elle prenne des milliers d'années, ou qu'elle soit solaire, qu'elle prenne des centaines d'années? C'est important. Si vous reste 5 ans, le solaire, ça prend 5 ans. Mais ça fait quand même 300-400 ans que c'est commencé. C'est pour ça que j'ai dit que l'humain doit au minimum envisager son évolution sur 500 ans. Il y a des mécaniques pour préparer sa réincarnation, même sur le monde de la mort, pour se rappeler ce qu'on était une fois qu'on est revenu. Puis il y a des mécaniques, évidemment, pour rejoindre le double éthérique, pour se réincarner, se rappeler à ce qu'on est. Pas juste aller voir un tiré-carte ou un régresseur des antérieurs pour se compter n'importe quelle histoire. On remet la réincarnation d'à peu près ce qu'ils ont vécu. Merde, alors, il faut dire n'importe quoi, c'est vrai. Maintenant. Lorsque notre humain est en train d'être initié, c'est exactement comme si quelqu'un venait le chercher. En réalité, celui qui vient le chercher, c'est lui. Bon. Alors, c'est comme si on le prenait, qu'on le sortait de la salle de cinéma. Oh, mais il y a quoi dehors? Y a-t-il des films comme ça? Non. Ben, y a-t-il au moins des salles de cinéma? Non. Ça va être plate en maudit. Pour le cinéphile d'horreur, oui. Pour l'ego, oui, l'ego, là, l'évolution, c'est terrible. Et, oui, mais le monde, il ressemble à quoi? Il y a-t-il des fauteuils, il y a-t-il des caméras, il y a-t-il plein de morts? Non! À quoi ça ressemble? Il y a des arbres. Il n'y a pas d'arbres dedans. Ça ne fait plus rien. Il y a des choses que je fais. On ne peut pas rien te dire. Ah! Viens voir. Comme une fois sorti, vas-tu pouvoir rentrer? Non. Je peux te dire oui, mais c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'une fois sorti, il ne voudra plus. Autant qu'il ne veut pas. Puis à un moment donné, tu sors du cinéma. Alors il y a une souffrance totale, L'ego traverse dehors, il ferme les yeux, il est là. C'est l'initiation. Abandonnez votre vieille peau, abandonnez tout le sac à dos de mémoire qui nous écrase et qui nous tue. Abandonnez toutes nos ancêtres qui par nos cellules nous grillent. Abandonnez les traditions, abandonnez les choses. Et c'est ça qui est souffrant. Voir clair, c'est souffrant parce que tout ce que tu as vu, parce que la personne dit je m'aime, à un moment donné, elle va découvrir ce qu'elle aimait. Le Québec est une terre relativement neuve. Il possède un cycle différent des autres pays. Le Québec est la plus vieille terre de la planète. Ah, ouais. C'est une faute d'orthographe. Quel est ce cycle? Alors, le Québec est une terre relativement neuve. Le Québec est sur le bouclier canadien. Le bouclier canadien est la première terre de surface. C'est ésotériquement annoncé, c'est géologiquement confirmé. Et c'est pourquoi c'est l'antique Terre Blanche. C'est l'antique Montmirou. Et c'est de là que c'est sur cette terre, ce bouclier canadien, qui est pas juste le Québec. C'est presque plus la province de Québec. C'est une partie de l'Ontario, c'est une partie du Nord-Ouest, l'Alberta, puis Saskatchewan, c'est un petit peu le Manitoba, etc. Ce Québec, eh bien, lorsque l'hyperborée est devenue trop pesante et qu'elle s'est effritée, les êtres les plus évolués, c'était unicellulaire à l'époque, ont migré vers la Terre Blanche, le Québec, le K-E-B-A-K des ésotérismes européens, le bouclier. Par la suite, ils ont migré en Lémurie, qui recouvrait presque toute la surface de la planète. Étant donné que la planète Terre était en refroidissement, c'était extrêmement liquéfié à l'intérieur, lorsque le continent est devenu trop pesant pour se supporter lui-même, il s'est enfoncé. Les plus évolués avaient déjà pressenti les vibrations, ils s'étaient rapatriés en Terre Blanche, Québec. Par la suite, ils ont colonisé ce qui est resté. Une partie, bah, toutes les Amériques, une grande partie de l'Europe, une grande partie de l'Atlantique. Et ça s'est appelé l'Atlantide. À un moment donné, même chose, vers la finalité, il y a eu évidemment l'engloutissement par les déluges. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore, l'eau était en vapeur. Il n'y avait jamais plus. Lorsque ça s'est refroidi suffisamment, c'est tombé. Il y a la majorité des îles dont Poséidonis est resté en dernier, mais elle était engloutie par la suite. La majorité des îles et des continents atlantéens ont disparu sous l'eau. Certains étaient en forme de réservoir, le poids de l'eau les a carrément enfoncés. Les plus évolués avaient aussi quitté l'Atlantide et avaient gagné la Terre Blanche. De là, le Ram, pas Aram, mais qu'on appelle aussi Rama, est descendu. et il a colonisé l'Europe, une partie des Amériques. Il est resté des vestiges, évidemment, sur les départs de les guerres entre les Lumériens, qui restaient de nous et les Atlantéens. Et finalement, on approche encore vers la fin d'un siècle, et il y a aussi beaucoup d'immigration vers le KEBEK, la terre promise de beaucoup de peuples qui naissent ailleurs, mais qui sont québécois. Et c'est surtout sur cette terre que naissent les races ici. J'ai beaucoup de la capacité et de la force du mental pour arriver à commander au mental de méditer les questions en France. Comme je n'ai pas la réponse du mental, j'en arrive à douter du mental et par le fait même, je doute de l'esprit. Je trouve cela effrayant et ça me porte à pleurer. Sois ferme et ne parle pas fort. Qu'est-ce qui arrive? Tu as entendu même pas dans un dame de l'eau. Est-ce que toi, tu même pas dans un dame de l'eau? Est-ce que tu manges de quelque chose dans un dame de l'eau? Je sais pas. Je les ai eu tout le temps, je les ai eu. Une fois que tu manges, tu les ai eu. Ah, ça, je n'ai pas pris ça. Quand tu as une mémoire, tu sais que tu pointes, tu sais que tu veux s'amuser devant toi, oui. Puis tu t'intermoques, tu décides de pas. Ça donne une vision à celui qui est là, qui l'a déjà été. Bon, comme je n'ai pas la réponse du mental, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Vous savez qu'il y a une facilité, premièrement, même si la personne pratique convenablement la technique elle-même, elle ne va pas finir par développer justement une puissance mentale pour contrôler son cerveau. Elle commence la technique, il faut quand même qu'elle se lève du temps. Mais ce que vous devez comprendre, c'est les égaux. C'est que de toute façon, si on n'est pas patient, on y arrive. De temps en temps, elle pleure. Pourquoi? Parce que son ego recherche son Dieu. Elle doute de son Dieu. Elle doute du mental. Parce qu'elle n'est pas encore parvenue, ça va venir, à l'état de conscientisation où le mental se sépare totalement de l'ego. Étant donné que présentement, l'astral, l'âme, ainsi que les jours, ont encore la capacité de jouer, qui sont le mental, lorsque l'âme se met à douter de la copie mentale qu'elle a créée, elle ne discerne plus si elle doute de la copie ou du mental. On se laisse encore un peu de temps, pleurer, c'est génial. C'est de nouveau. Donc, c'est de l'humain. Mieux vous pleurez, c'est de sudatiser. Sudatiser, ça rejoint les sinistres individus dominés par l'astral. Et c'est la fomentation de formes pensées dans notre tête. Donc, on donne on peut juste penser inutilement à plein de choses contre nous ou contre autrui. Pleurer, c'est bon. Pour évaluer ce qu'il faut, la vie. En vrai, présentement, je ne comprends plus rien, je suis ceci, je suis cela. Reste en vie, tout va se régler. Oui, mais je souffre, initiation lunaire, raison de plus pour travailler une conscientisation. Oui, mais avons-nous des preuves de ce qu'il y a d'autres humains qui sont passés par là, par une conscientisation, et il n'a plus qui passe. Il y a eu ce qu'on a reçu dans les derniers. Et il y en a d'autres que vous connaissez possiblement trop bien pour que si je les nomme, que votre beau puisse les reconnaître. Le voisin de ce qu'on a reçu disait « Ben non, ce gars-là, il ne peut pas faire plus que moi, c'est mon voisin, il connaît. » Mais ceux qui vivent soit par mille plus loin, ou soit par 100 000 plus loin, oh, ils restent en France. Ah oui, quand on se parlait, c'est un gars bien correct. Mais remarquez que si votre voisin, c'est Dieu, qui est trop proche de vous. Ça n'est pas à côté. Si votre Dieu, c'est votre mental, il est encore bien plus proche de vous, alors vous risquez de manquer complètement. Le temps, après la vie, en vie, d'ailleurs, on ne dit pas toujours au niveau de l'eau, mais quand certains parlent de ça en fonction. Ça l'a expliqué la même chose. La personne pleure, puis après, qu'elle continue au même sujet. C'est le mental qui a le contrôle du corps physique. Plus le mental va être capable de contrôler son système endocrinien ainsi que son système nerveux, plus le dos, dans le corps, va expérimenter le mental. Plus le dos va l'expérimenter, plus il va découvrir le dos, va tomber là. Et le dos va autoriser de plus en plus le mental à travailler. Et un mental qui travaille dans un corps physique, c'est les gens indiens pour la majorité des animaux humains. Alors que c'est presque rien, une conscience très mentale, c'est un dieu pour le mental. Parce que les gitans, ils ont continué à même sujet, parce que le mental va prendre le contrôle du corps physique, puis ça va aller, puis ils vont voir ça, etc. Lorsque tu parles de l'écarnement de l'écarnement, tu dis qu'il faut sauter la clé. Qu'est-ce que c'est que sauter la clé? C'est dangereux à l'activité. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un cheval qui peut sauter, puis tout le troupeau le suit. Ça a un avantage, techniquement. Le premier cheval saute la clôture, mais ça ne donne pas les pattes. Le deuxième saute la clôture, s'en charge dedans, il roule de ce côté. Bon, ça peut lui faire l'air, ça va le passer. Le 25 autres chevaux se rachent dans la clôture, s'en charge dedans, c'est foire dedans, ça pile dedans, ça suit dedans, la clôture s'effondre. Et tu sais, s'ils ne savaient pas qu'il y avait une clôture, ils vont voir maintenant un trou. Alors, il y a ceux qui sautent. Quand sont prêts. Il y a ceux qui sont des égaux, qui sont manipulés à dire que c'est bien pour ça que tu es à terre. Ça ouvre la porte aux autres. Pour ça que nous les premiers dans la vie. Alors, lorsque tu parles de l'écarnement, tu dis qu'il faut sauter la clôture. Qu'est-ce que c'est que de sauter la clôture? Je peux en parler, il faut faire attention, il faut être sûr qu'on est prêt à se lancer. Et ça veut simplement dire. Parce que c'est le mental, en même temps, c'est là qu'on peut. Ça veut dire que vous devez accepter, comme tout à l'heure, expliquer avec une conscience fondamentale. Vous devez totalement définir, j'en ai parlé un peu aussi la semaine dernière surtout. De quelle façon vous pouvez définir qui est le mental et qui est l'astral. Vous pouvez en faire une feuille. Si moi je vous interview et que je vous pose des questions, vous allez tous être capable de répondre. Et si vous avez un ego tellement bâtard qui vous empêche de répondre par une parole fausse, capable de communiquer avec votre histoire de pensée et vous forcer la réponse convenablement. Je ne vous manipulerai pas la réponse, mais vous ne pourrez pas contribuer. Une fois que vous allez avoir répondu, si je demande à n'importe qui parmi vous, qu'est-ce que tu dois faire demain matin pour améliorer ta santé? Comme vous le savez. Ah, si tu les gosses me répondent, je vais savoir. Oubliez la mémoire, vous savez. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous pour ne pas souffrir la mortalité familiale qui vient d'avoir lieu? Elle répond, si je l'oublierais, je souffrirais plus. Et vous avez raison. Il y a suffisamment de conscience fondamentale, il y a suffisamment d'intelligence dans l'homme pour que si une intelligence s'adresse à cette intelligence-là, qu'elle sorte. Première chose que j'enseignais, lorsque j'enseignais le programme être contrôleur, maintenant c'est les personnes qui l'enseignent, c'est que l'homme doit devenir son seul maître. C'est la conscience mentale, par le biais d'un canal mental, qui doit inscrire le dos. Et vous savez les réponses. Mais c'est que vous, je ne sais pas, ça serait de l'oublier. Comment ça vous avez fait pas parce que c'est une carte en deux, une parole fausse, que c'est une mécanique de l'ego, puis après ça, on donne la réponse. Quand je fais le séminaire, je demande aux gens, qu'est-ce que vous voulez faire ici cette semaine? Je sais pas, peut-être apprendre des choses. Ah, peut-être apprendre des choses. Je sais pas, puis c'est peut-être. On pense notre vie à marcher avec des théories comme ça. Chaque fois qu'on le sait, on ne le sait pas, c'est ça. On imagine que c'est... imaginé. Or, c'est tellement facile, c'est la question. Être le summum de ce que nous sommes. Vous êtes en moyenne 30 millions de mémoires réincarnationnelles fusionnées. À l'intérieur, il y a des aristocrates. Soyez aristocrates. Il y a des élites. Soyez élites. Il y a des êtres qui fonctionnent par respectivement. Passer la gueule à quelqu'un pour rien, c'est pas respecté. Voler aux riches, pas respecté. Il y a des moments donnés où c'est possible de voler quelqu'un. Ah ben, je dois voler spécifiquement. Et je suis bien peut-être. Est-ce qu'on peut se tromper? Non. Vous ne pourrez pas faire autrement. Si vous seriez sûr, pour faire, vous seriez. Et si vous donnez pas ce qu'il faut faire, quel la main. Vous ne vous trompez pas. Vous trompez. Prenez ce qu'il y a de mieux chez vous. Développez-le. Ça fait du corps, ça fait de la course à pied. C'est bon d'avoir un corps physique en forme. Quel que soit le niveau de départ, on peut l'améliorer. C'est améliorable. Améliorons-le. À quoi ça sert? Mieux vous mourir en santé que pour essayer d'être malade avant de mourir. Vous mourrez pareil. Si vous êtes capable de voyager, de visiter, et vous allez être capable de porter beaucoup mieux les nouvelles conditions. Il faut que le corps soit fait. Et si c'est une idée d'aristocrate que vous développez-le, vous ne pouvez pas marquer votre coup. Les mots des aristocrates du passé qui dominaient les peuples, dominaient les animaux. À un moment donné, les aristocrates ont développé l'art, la science, la médecine, l'astrologie, la musique. Ils ont développé l'homme de forme, la théologie. Les écoles initiatiques, que ce soit aux égyptiennes, franc-maçonniques. Et à un moment donné, parce qu'on faisait du mariage qu'on changeait régulièrement, il y avait une espèce juste qui nous fait par ne plus être capable d'assurer la réincarnation de l'aristocratie. Alors les aristocrates se réincarnaient dans ce qu'il y avait de mieux dans le peuple d'animaux. Et ils montaient à la tête du peuple d'animaux, amenaient les animaux à se révolter contre les aristocrates, qui émettaient maintenant des corps physiques inutilisables. Et on renversait le régime et on plaçait la face du peuple là, qui redevenait aristocrate. C'est normal. C'est eux qui mènent. Et il y a des aristocrates avec moi. Il y a des élites, des mémoires de l'élite. Pour attirer des réincarnations de ces mémoires, on doit travailler dans de formes. Plus on s'habille France, plus on assure du peuple. Plus on s'appuie endoparmiquement, convenablement, plus on réincarne des mémoires d'aristocrates, de l'autre. Le positivisme, c'est un livre, c'est une pathologie mal comprise. Voir la vie positivement, c'est ça qu'il faut faire, c'est la voir réellement. Mais le positivisme entraîne des effets secondaires intéressants. C'est comme s'il y avait qu'il y aura, c'est ça. C'est comme on comprend la mécanique du point de vue cosmique. Allez le chercher. Mais si vous ne prenez pas une bouteille de vin, imaginez vous rentrez dans une compagnie où on remplit les bouteilles. Les bouteilles, les bouteilles. On a du fur et à mesure. Faut vous arriver avec une bouteille, c'est un petit comptoir, vous en allez deux heures après pour venir la prendre, sortir avec. C'est ça, ça marche. Mettre la bouteille, c'est très différent. Ça va revenir. Là, on se dit, non, non, non, on fait. L'angle de forme de la bouteille, c'est différent, c'est tout à fait différent de là. Au lieu de l'alcool, je mets une bouteille, c'est très alcool, j'ai l'air d'alcool. Si vous voulez amener la bouteille quelque part, il est 5 ans, ça la remplit. On en a parlé pas mal de façon, dans cette quantité, lors de la conférence la semaine dernière, et on en parle suffisamment aussi au niveau du séminaire. Alors c'est évident que le nombre de formes est important. Et qu'est-ce que vous devez développer, c'est faire donner vous une chance. Si vous, il y a des idées hautes, c'est des idées faires. Des idées de conquête, des idées de classe. Des idées de réussite, des idées de puissance. On cultive le haut. Parce qu'il ne quitte pas le bas. Même si c'est de développer suffisamment son mental pour qu'il prenne le contrôle de l'interprétation rationnelle plus biologiquement parce qu'ils prennent le contrôle de suffisamment de parties du cortex pour parvenir à suggérer les voies hypothalamiennes que le mental contrôle aussi. Les aristocrates ont développé quoi? L'estime. Le tir au pistolet. Le tir au pigeon d'argile. Ils développaient la précision et le contrôle du corps. Ils ont développé des arts martiaux. Ils développaient le contrôle du corps et la précision. À un moment donné, qui fait la course automobile? Qui joue au polo? Qui joue au golf? Les aristocrates. C'est pas juste des foireux. Mais plus tout à fait qui sont en plein ce que vous devez être. C'est pas la richesse, c'est pas où vous êtes quoi on part. Quand l'aristocrate dans le peuple décide de monter le peuple pour aller renverser les animaux qui sont là, qui font la décadence génétique et non pas la décadence génétique, de ce qu'ils ont déjà été, ça c'est pas grand chose. Les idées que vous avez qui sont hautes sont les idées aristocratiques. Tout le monde en a. Tout le monde en a développé les autres, ça promène un petit peu les autres. Servez-vous de leur aristocratie. Personne n'y pense. Tout le monde est pour. C'est la jalousie de l'ego, la jalousie de tout cela qui va venir. Parfait, ça se prendra. Servez-vous en comme une somme d'une force. Tout. Tellement simple. Tu dis dans la conférence de ce soir qu'il y a des portes. Quelles sont-elles? Des portes fondamentales. Deux portes à d'autres au Québec. Et puis c'est à vous de trouver. Ce sont deux êtres humains. C'est à vous de trouver. Je vous le dis, c'est quoi? Ça sera tiré plein de goût à moi, puis à l'autre. Finalement, c'est tellement bien fait qu'il n'y a que sur la planète que c'est prêt. Non. Il y a que dans la mémoire. Au ciel, une souffrance sans conscience et dans la conscience, pas de souffrance. Y a-t-il ailleurs que sur la terre que ça fait? Oh oui! Ça fait pas mal des places. Ça fait vous les contacter. Tu dis qu'on n'a pas de grand but, par contre, tu dis que les choses arrivent, mais on ne sait pas à qui, et que donc, si on se prépare, elles ne nous arrivent pas. Qui peut se préparer si on n'a pas de libre but, et n'est-ce pas plutôt qu'on est juste on est préparé. L'humain n'a pas de libre arbitre qui vivant. Et je vous ai expliqué beaucoup de choses. Un animal, un humain, un objet, ne peut pas être manipulé au-delà de ses capacités d'être manipulé. On ne peut pas demander à un cheval de voler. La manipulation est question de programmation. Si je suis manipulé à vous parler, c'est que je suis. Par votre présence, entre autres. Nécessairement, les informations que j'amène sont maintenant mémorisées chez vous. Étant mémorisées chez vous, ils augmentent le biais de manipulation. Ils le transforment. Quand les événements courants ne peuvent plus vous manipuler de la même façon. Quand un humain lit, un humain qui m'a donné sauf de se voir gros, va être manipulé à vouloir m'aider. Dans sa manipulation, il va tomber sur des mécaniques d'instruction placées là, mécaniquement, par des mécaniques. Si une personne passe avant acheter le livre que vous auriez acheté, le temps d'aller passer, il ne sera pas là. Mécanique. Oui, mais peut-être qu'on ne fasse que la personne n'a pas l'acheté pour que je l'aille. C'est mauditement prêt pour changer l'autre, hein? Non. Parce que l'autre est passé là, puis tout ce qui est à l'intérieur de lui, peut-être la couverture, il ne l'aimait pas, il dit que c'est trop il dit que c'est trop sale. Quelle que soit la raison, ça reste une réaction manipulative. C'est mécanique. Et à un moment donné, les informations que vous allez accumuler chez vous viennent colorer votre structure de manipulation. Avant, quand vous voyez un gâteau, vous le bouffez. Maintenant, vous en voyez un, puis voyez la calorie, un gros poids, tout plat, tout. Manipulation pareille, vous dites non. Plus vous allez être manipulé à reprogrammer votre structure, votre ego entre autres, plus vous allez être capable d'être manipulé en direction de l'endroit où le vecteur ou votre mental considère comme logique d'aller. Votre mental est une structure qui intervient aussi dans la programmation. Ce matin on se lève, ce matin on se calme pour qu'on ait la température. À un moment donné, le mental commence à instruire par le biais de la structure de pensée. Et si c'est mauvais, si ça ne change rien, je le dis. début de reprogrammation. Venir à une conférence, c'est faire dire, c'est le début de reprogrammation. Si je dis que vous devez comprendre à un moment donné que vous devez aller sortir des outils pour pouvoir faciliter votre évolution. Tous les outils, je ne les ai pas. Ils me plaisent sur la planète. C'est des humains qui sont totalement bâtis pour les outils que j'ai. Ça va. C'est des humains qui sont bâtis pour d'autres outils. C'est des humains qui sont bâtis pour quelques outils que j'ai. C'est tout. Le problème n'est pas de savoir si je vais chercher que je ne tienne pas eux ou si je ne. Le problème est que si on a un outil, la demeure va nous maintenant pour s'en servir. Et les outils, ça reste aussi une mécanique de reprogrammation. Jusqu'au jour où l'homme pourra être ce que je suis, un seul maître. Vous allez reprogrammer. À un moment donné, je pense quelque chose, puis vous voyez quelque chose. C'est votre goût. Immédiatement, vous allez lancer une mécanique de reprogrammation et de se préparer. Oui, c'est ça. C'est exactement comme, merde, il me reste juste un demi verre d'eau. Clic, clic, clic, clic, clic, clic. Ah, il me reste encore un demi verre d'eau. Il a bien changé. Et maintenant, quand tu vois ça, tu guéris. Tandis que l'autre, quand tu vois, tu pleures. Réaction. Première facette de l'évolution, lorsqu'on se conscientise, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, donner un Dieu à votre âme. Vous. Et on le reprogramme. Si je rejoins mon double éthérique après ma mort physique, qu'est-ce qu'il a à voir avec mon esprit? Oui. C'est l'esprit qui a été terrestrifié, qui a été planétarisé, qui maintenant a été rejeté à l'intérieur du corps, après l'ajustement par l'expérience planétaire. J'ai déjà expliqué que la création est accidentelle, que l'humain est intentionnel et que le rôle fondamental de l'humain est d'arriver à cumuler dans l'instantané toute la mémoire de la création. Ce qui ferait en sorte qu'à un moment donné, la création n'aurait jamais existé. Le déterrique est une partie terrestrifiée capable de supporter un contact avec l'instantané. C'est l'esprit. L'esprit, c'est l'instantané, par le déterrique, c'est l'esprit le plus proche de la planète, c'est le déterrique. Évidemment, lorsque le corps physique est capable de supporter l'esprit, le déterrique va être en contact avec le corps physique de l'âme. Et lorsque le déterrique sera suffisamment constitué, il y aura le processus de fusion qui va se commencer. Et l'esprit devient totalement déterrisé. Et nécessairement, le corps physique devient un corps de lumière. Tu dis que le Nazaréen a ouvert les portes du ciel pour rejoindre les cieux. Après, tu dis que le Bible s'arrête au monde monentiel. Comment rejoindre les cieux et traverser le ciel si le Bible s'arrête au monde monentiel? Et pourquoi 17 ans pour former un Bible? Bon, le Bible ne s'arrête pas au monde monentiel. Le Bible est conservé dans son texte planétaire, dans le plan monentiel, qui est le monde de la vie sans le corps physique, un monde de transition entre le corps physique vivant et le monde de mémoire, la mort, le ciel, le monde de la mort. Le double éthérique reste là jusqu'à temps qu'il puisse s'atomiser, se terrestrifier, s'il se fusionner avec le corps physique, par la suite, il a, par sa force thérapeutique, la capacité de voyager à travers toute la structure de cet univers local, entre les galaxies. Il ne s'arrête pas là. Et là, il est conservé, le temps que l'humain le bâtit. Et le double éthérique, je le répète, est bâti à même les structures de l'âme, à même les structures de l'ego. C'est pourquoi l'humain doit avoir un ego. Un ego est suffisamment puissant avant la désillusion. La frustration, cela oblige le mental à naître, c'est-à-dire qu'une partie de l'ego qui va se spécialiser dans la gestion de mémoire, dans l'émotion de la mémoire. Le mental engendre un contact avec le plan extra-planétaire, un plan supramental, et par la suite, l'ego va être dissous, j'appelle cela l'amygdalisation, et l'énergie de l'ego est transmise en deux éthériques. Pourquoi? Lorsque tu es suffisamment en conscience supramentale, là, tu gagnes le temps de l'éthérique dans le temps morantiel, tu restes intégralement ce que tu es, c'est où tu es, tu sais comment te réincarner d'une façon. De façon, je veux dire, si tu réincarnes dans un level ou dans un secteur sans gestation, toi, tu es carrément procédé d'un individu qui est déjà formé. Alors, le double éthérique ne s'arrête pas au plan morantiel, il reste un bout de temps. Pourquoi 17 ans pour former un double? Non, je n'ai pas dit 17 ans pour former un double, j'ai dit que dans la majorité des cas, il y a un humain qui se forme totalement. Un humain qui veut travailler intégralement 24 heures sur 24 dans sa structure de conscientisation, 17 ans, c'est suffisant pour qu'il soit totalement fusionné avec son double. Je n'ai pas dit pour former un double. La majorité de ceux qui sont capables de m'écouter ont déjà un double de sa formation. On n'a pas dit que 17 ans pour former un double. Mais pour qu'on ait suffisamment de conscience pour gagner le double, pour s'en servir, c'est un travail à faire. Il se cela quelques années, on parle d'un double comme ça. Pour que le double soit totalement finalisé, un arme totalement pure. Plus de jour, contact entre les corps physiques et le l'éthérique, c'est arrivé au corps végétarien. Après, la main, on finit le tombeau, il n'y avait plus rien. Le corps avait été purifié, ça prend encore une demi-heure, puis il n'y a plus de corps il reste des traces, là, c'est tout. Le corps n'est pas sorti. Quand les apôtres ont vu un corps, c'est un corps lumineux, c'est le deux, c'est le corps, c'est le deux, le corps de l'éthérique, et purifié par le deux l'éthérique, c'est un corps de lumière. Il se sent en arrivé là. C'est n'importe qui. L'humain n'est pas encore bâti pour faire ce genre de travail. Ça prend un peu plus que du temps parce que l'humain prend trop de bâtons. La moitié de 33 ans. Après la dernière tentation du Christ, il y a Jésus de Montréal. Pourquoi le Grégoire du Nazaréen revient-il tant présentement? Parce qu'il est réincarné et que c'est parce que le Grégoire de Jésus est réincarné. Simplement parce qu'il y a des réminiscences du monde de la mort qui essaient de ternir un peu la réincarnation et de l'empêcher. Lorsqu'un double éthérique intègre un corps, attire-t-il les mémoires avec lesquelles il a coexisté dans d'autres corps physiques? Oui, mais il va les digérer facilement. Lorsque l'âme quitte le corps, sort-elle par la bouche au moment de l'expiration? Dans un mot comme ça. Non. Sinon, comment la vibration est transmise aux molécules ambiantes? Premièrement, il y a la vie. Il y a la structure atomique du corps. Les molécules d'un corps de fer animé sont beaucoup plus vibrantes que les mêmes molécules dans la matière. Elles ont la capacité de croissance, capables donc d'altérer la matière pour la transformer, pour l'assujettir à un code génétique. Donc, on mange une pomme, la pomme devient quelque chose chez nous. On mange de la viande, on mange des aliments toute notre vie, et on assimile totalement ce que l'on mange pour en faire ce que nous voulons génétiquement. Lorsqu'un virus devient puissant, le virus a un code vital. Plus puissant que le nôtre, parce que nous sommes fatigués, mal nourris ou mal énergisés, son code vital va influencer le code vital de nos cellules et on aura une maladie. Lorsque l'âme quitte le corps, c'est lui qui s'appelle par la bouche, non. Elle sort simplement par le corps, c'est-à-dire que cela prend quelques heures, ça prenait quelques jours dans l'antiquité, le corps astral était trop dense, et à un moment donné, il y a quand c'est l'énergie qu'un voyant peut voir, qui quitte carrément le corps physique, et c'est l'âme, avec donc le périphérie et tout la quantité d'énergie qui constitue les mémoires volatiles et les deux. Il y a eu un temps où ça prenait entre quelques heures et quelques jours avant que ça se fasse. C'est pourquoi on devait enterrer le mort 3 jours après. C'est une forme de respect spirituel et astralisé. On n'incinérait pas non plus les personnes avant 3 jours, parce qu'on brûlait leur périphérie. Donc on disait carrément l'âme dans le monde morantiel, ou dans le contexte planétaire, on altérait les mémoires. Ça ne dérange rien du point de vue de l'évolution cosmique, mais ça nuit un peu aux électriques qui sont réincarnés, qui regardent l'autre. Aujourd'hui, après quelques secondes, et même quelques fois avant la mort du corps physique, c'était déjà parti. Par la bouche. Il y a des jambes encore, parce qu'on parlait du souffle de Dieu, donc on parlait du souffle de l'âme. Elle dit aussi que c'est de la glace, ça fait de l'humain. Les Indiens Yupis, que vous connaissez sans doute pas, qu'est-ce qu'ils font à leurs ennemis? Ils en filent rétrécir la tête la grosseur d'un poing, ils leur coulent les oreilles, ils leur coulent la bouche, ils leur coulent les deux, pour empêcher l'âme de sortir. Ils leur coupent la tête, la masse de place sortir. La conscience est un véhicule. C'est intéressant. La conscience est un véhicule tant qu'elle est un concept pour le dos. C'est un véhicule de conscience. Un véhicule de quoi? Un véhicule de conscience. Comment peut-on savoir si j'ai commencé à construire mon corps éthérique? Comment accélérer cette construction? Comment accélérer la construction est beaucoup plus intéressant à savoir si j'ai construit ou pas. De temps en temps, si on vous incite encore comme avant, ça vous incite plus. Oui, j'ai commencé à construire un double éthérique. Parce qu'il y a une mutualisation. Et si vous êtes encore le même personnage que vous avez 20 ans, 30 ans, ça peut être un bois. Est-ce que mon double éthérique est construit selon mon état de conscience dans cette vie-ci? Est-ce que mon double éthérique, s'il m'envoie toutes sortes de preuves pour que je lâche prise, exemple, amour, peur, angoisse, etc. Chaque fois que nous acceptons du neuf du point de vue de l'ego, je ne parle pas d'améliorer du vieux, d'accepter du neuf. Chaque fois qu'il y a une mutation à votre conscience psychologique du point de vue de l'orgueil, de toutes les trames exprimées de l'ego, la colère de l'ego, la frustration de l'ego, la jalousie de l'ego, chaque fois que tu fonctionnes tendance à diminuer, nécessairement se transmet en double tenue. C'est la perfection de ce que vous êtes qui sert à ce que vous êtes. Ce libéralisme de mémoire ne nous mène qu'une fois droit vers la solitude. Je me sens de plus en plus étrangère dans un monde étranger. Exact. C'est génial, la solitude. On est seul, comme on l'a toujours été, parce que maintenant on le sait, qu'on sait d'utiliser que le monde nous aime, qu'on les aime, et puis à un moment donné, on va vouloir communiquer avec quelqu'un. Ça peut être nous. On a un contact, ça m'appelle. Quel est le processus de contrôle par le mental d'une illusion physique que douloureuse de chaque fois que le corps fait? Quoi faire dans une situation où le corps crie à part de prendre des canons? Crie à part de prendre des canons. Bon. La même situation, la circulation de l'énergie vitale est une porte ouverte vers ce contrôle par le mental. Une des solutions les plus facilement applicables, c'est de l'utiliser. Comment confronter nos ancêtres? Quel est le but de cette action? On a expliqué présentement, on fera des conférences. Pourquoi les êtres qui sont écrits qui n'ont pas d'enfants faut-ils qu'ils se séparent pour qu'un d'eux ou les deux deviennent des élus? Simplement parce que si vous avez fait l'un avec l'autre, c'est fini. Les émotions, la peur se perdent de fil lorsque le contact se fait et ce contact se fait tout d'un coup. Parce que le beau devient totalement inscrit.